On a reçu tout le MGP. On a reçu toute la codéine. J'suis avec Fatou sur le canapé. Elle a préparé le grand de dame. Avec Wapo dans la coloc sa mère. J'vais pas rapper comme Arnaud sa mère. Tu fonces des ouais la putain de sa mère. Tu m'as déjà vu foncer en enfer. Au fait, j'ai pas de la fête, j'ai des pistes dans le canyon. Si c'est ta pute, moi c'est sûr qu'on l'a vu. J'suis avec Mano, RTT, ça là. M'a déjà vu dans des trompes de Fallon. On a reçu Colli. Pour la moi j'ai Colli. On a reçu Colli. Pour la moi j'ai Colli. Je suis failli dans le monoprix. Ça s'excuse, augmente les prix. J'ai la flemme faire des étiquettes.